Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Naviguer sans GPS. L'humanité voyage depuis la nuit des temps. Durant des millénaires, des hommes se sont aventurés dans des territoires inconnus, ont traversé des déserts immenses et cheminé dans des forêts profondes, se sont lancés sur les mers et ont sillonné les océans. Par quels moyens parvenaient-ils à ne pas se perdre? Comment se situait-on et s'orientait-on dans l'espace avant l'invention du GPS? Si intégré dans notre vie qu'il devient difficile pour beaucoup d'entre nous d'envisager le plus petit déplacement sans son aide. C'est à ces questions qu'a voulu répondre John Edward Hurt dans un gros livre poétiquement intitulé « The Lost Art of Finding Our Way », l'art oublié de trouver son chemin, dont l'objectif est de décrire et d'analyser la variété des procédés grâce auxquels les hommes peuvent naviguer en utilisant des instruments simples et des indices fournis par l'environnement. L'ouvrage tire son origine d'un fait divers dramatique, plus exactement de la réaction émotionnelle de l'auteur, professeur de physique à l'université de Harvard, à un accident qui l'a particulièrement touché pour des raisons personnelles. Il y a 10 ans, deux étudiantes qui faisaient du kayak le long de la côte du Cap Cod au Massachusetts ont disparu en mer par une journée de brouillard. Le corps de l'une d'entre elles a été retrouvé, celui de l'autre jamais. L'incident a suscité beaucoup d'émoi aux États-Unis. Il a particulièrement impressionné John Edward Hutt, lui aussi amateur de kayak, qui se trouvait ce jour-là au même endroit dans une embarcation de ce type, mais qui, lui, ne s'est pas perdu. Avant de lancer son frêle esquif à la mer, il avait en effet noté d'où soufflait le vent, et tout en pagayant, il était resté attentif au mouvement de la houle et au son émis par les bouées ancrées à 3 km au large. À chaque moment, il savait donc dans quelle direction se situait la côte. À l'évidence, tel n'était pas le cas des deux jeunes filles, sans doute tellement désorientées qu'elles se sont dirigées vers la pleine mer en croyant être en train de regagner la terre ferme. Réalisant qu'il avait dû son salut à sa capacité d'interpréter correctement les signes de l'environnement, Hutt décida de créer à Harvard un cours consacré aux techniques traditionnelles de navigation, telles qu'elles étaient notamment utilisées par les plus fameux peuples marins du passé, les populations des îles du Pacifique, les Vikings, les marchands arabes. C'est de ce cours qu'est issu ce livre. La plus élégante des techniques traditionnelles, la technique de navigation la plus commune et rudimentaire est la navigation à l'estime, qui consiste à évaluer sa position en fonction de la route suivie et de la distance parcourue depuis un point de départ connu. John Edward Hutt, lui, consacre plusieurs pages au début de l'ouvrage en indiquant quelques trucs pratiques pour évaluer les distances et maintenir constante la direction de sa progression. Une méthode de navigation bien plus élaborée, la plus élégante, sophistiquée et emblématique des techniques traditionnelles est la navigation céleste, la position des astres. Les étoiles, le soleil, la lune et les planètes sur la voûte céleste varient en fonction de l'heure, du jour ou de la nuit, du moment de l'année, ainsi que de l'endroit de la Terre où l'on se trouve. Depuis toujours, l'observation du ciel a donc fourni aux hommes les moyens de se situer dans le temps, une horloge et un calendrier naturel, ainsi que dans l'espace. Les innombrables générations qui nous ont précédés fait justement remarquer Alain Giraud-Ruby dans sa belle histoire de l'astronomie, les chasseurs et les cueilleurs, les bergers, où les pêcheurs ignoraient les astéroïdes, les trous noirs, les galaxies spirales et le Big Bang, mais ils voyaient bien les astres les plus brillants errer lentement sur le fond immuable des constellations qui se levaient et se couchaient quotidiennement en se décalant petit à petit dans le grand cycle annuel. Voilà, à lire encore beaucoup là, c'est books, livres et idées du monde entier, vous pouvez aller voir sur le net. Donc c'est naviguer sans GPS, c'est l'art oublié de trouver son chemin. C'est bon ? Ouais, ça a l'air de marcher, c'est parti mon kiki. Alors, aujourd'hui c'est une rencontre un peu intéressante, un peu intéressante. Non, c'est parce que j'ai changé d'idée, j'ai dit un peu, et puis j'ai changé intéressante. Je ne sais pas si je dis ton prénom, pas de prénom, donc c'est un humain que j'ai en face de moi. Et on va réfléchir un peu... De toi humain qui est rentré dans l'aide à la jeunesse, voilà. D'accord, ici en Belgique, voilà. Et comme ça à chaud. C'était une première fois c'était une première fois dans une institution où les jeunes qui étaient on va dire placés dans cette institution étaient mandatés par les services de l'aide à la jeunesse, mais sinon j'ai travaillé dans des collèges, dans des lycées, dans des centres socioculturels avec des jeunes. Donc j'avais quand même un rapport à d'autres institutions. Donc j'avais une expérience, on va dire, avec d'autres chefs, d'autres collègues, d'autres... comment prendre en charge des jeunes. Enfin, voilà. Et avec d'autres rôles où j'ai enseigné tout ça. Donc mes premières fois comme éducatrice avec cette éducatrice A1. Puisque j'ai été éducatrice en collège et lycée, je ne sais pas comment on appelle ça, ça a un nom aussi en Belgique, éducateur, surveillant éducateur, je ne sais plus. Précisons que tu es française à la base, voilà. Tu es bretonne. Je suis bretonne, de Brest. Donc je suis une vraie bretonne du fin fond de la Bretagne, du Finistère. Voilà. Et donc tu débarques en Belgique, est-ce que tu dis si c'est vraiment toi, ouais, qui gères la conversation, ouais. Ça veut dire que si je pose une question qui te dérange... Mais qu'est-ce qui fait que tu débarques de Bretagne pour venir ici en Belgique ? Ben, je débarque en Belgique pour suivre mon amoureux. Donc c'est quand même une belle... ça peut amener jusqu'à la Belgique, en tout cas, jusqu'à Bruxelles. Et j'ai fait des documentaires. Donc la première année, j'ai monté mon film Fort intérieur, un documentaire sur des femmes incarcérées. Enfin, sur le dessin, l'expression... Et c'est pas sur les femmes, c'est sur leur intérieur, j'ai envie de dire. Et je me suis retrouvée bêtement à penser que j'aurais mon statut d'artiste. Et la loi a changé au moment où j'aurais dû basculer pour avoir un statut d'artiste. Donc je me suis retrouvée juste dans la merde, à avoir aucun droit alors que j'étais quand même en Europe. J'avais plus droit à rien. Donc j'ai cherché du boulot à fond, partout. Et avec mon CV, où comme j'avais bossé un peu partout, je pouvais me dire... Dans le social, je vais postuler, quoi. Donc, j'ai eu ce travail comme éducatrice, où même la directrice était intéressée parce que j'avais une formation d'art thérapeute. Voilà, ça lui disait, j'avais bossé en prison. Elle s'est dit, OK. Donc, j'ai eu ce poste-là sur des contrats à durée déterminée, demi-temps, comme ça, sur une année. Et c'est vrai que... dès la première réunion, quand j'ai assisté à la première réunion de travail, tous les mercredis, il y avait une réunion de synthèse de l'équipe. Et c'était ma journée de... Comment on appelle ça ? Où tu assistes à une première journée, tu vois, où tu n'es pas embauchée, mais tu as une première journée de... À l'essai, quoi. Voilà, à l'essai. Ma première journée à l'essai. Et vraiment, au bout de 3 heures, je me dis... J'entends aucun éducateur parler, personne ne dit rien, tout le monde écoute, elle parle beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle parle mal. Elle, la directrice de celui-là. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas diaboliser. Moi, je n'avais pas envie de... Ce qui m'intéresse quand même à transmettre, c'est tout le questionnement que ça m'a posé à moi en tant que travailleur, de voir qu'à un moment donné, je n'ai plus vu que c'était une femme maltraitante avec les jeunes. Je me suis voilée la face. Et à un moment donné... C'est revenu en bombe où moi j'ai commencé à être atteint par cette scission que ça faisait en moi de me dire, mais en fin de compte, Je me disais, mais ça se trouve, c'est comme ça que ça se passe dans l'aide à la jeunesse. Faut les saquer, ces membres, tu vois. Faut les saquer, ces jeunes. Elle a raison. C'est tous des petits cons, tu vois, qui n'ont pas eu d'éducation. Mais j'y ai pensé. Tu vois, j'étais rentrée dans sa façon de penser. Et comme je voyais personne réagir vraiment, mais ça parlait toujours derrière d'elle, quoi, tu vois. Mais on parlait plus d'elle que des problèmes des filles. Les filles parlaient plus d'elle que de leurs propres problèmes. Donc c'est là où tu dis comment une seule personne peut omnibuler toute une institution, tous les travailleurs, tous les jeunes, vraiment. Et comment on fait à ce que dès que la porte est fermée, personne ne sait qui se passe ça dans l'institution. Et pourtant, on est en huis clos et c'est dramatique. C'est dramatique vraiment, quoi. Vous étiez combien dans cette équipe face à cette dame directrice? On était... Il y avait 8 éducateurs, un éducateur en chef, une cuisinière, un travailleur qui faisait qui s'occupait des locaux. Donc, on était à peu près 15. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un... Après, au bout de 2 jours, on m'a mis quand même au courant. Il y a une assistante sociale qui me dit « Sache que si tu signes ton contrat, tu signes pour Hitler. » Donc, on est dans du délire, tu vois. Et à la fois, tu te dis « C'est pas possible, qu'on va pouvoir faire quelque chose. » Donc, c'est vrai que moi, à un moment donné, je répondais, hein, quand elle baissait le clapet à tout le monde en réunion, je dis, bah, je sais pas, j'ai fait ma française, quoi. Je dis, bah, en France, je sais pas, quand ça pue dans une institution, il y a des supervisions, on peut faire venir un tiers qui va aider l'équipe à respirer mieux, il ne doit pas y avoir de crainte, autrement, on travaille mal, enfin, l'équipe ne va pas être bonne, quoi, puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout ça. Donc, au début, elle acceptait ce que je disais, tu vois, la directrice. Voilà. Et petit à petit, ça s'est dégradé. Et ce qui s'est dégradé, en plus, j'ai envie de dire, c'est que, comment dire, c'est que les jeunes venaient dans le bureau pour se plaindre d'agissements qu'elle faisait sur elle. Parce que toutes les semaines, elle avait des entretiens en solo avec les jeunes. Elle restait le mardi soir. Il y avait une réunion des jeunes où elle ne faisait, elle, que parler. Et c'était pas la parole donnée aux jeunes du tout, mais ça s'intitulait comme ça, et ça rentrait même dans le décret où, je sais pas comment ça s'appelle, parce que je suis pas une pro de l'aide à la jeunesse, mais dans ce que cette institution devait faire comme rapport si cette institution était inspectée, tu comprends, tu vois. Donc tout était faux, en fin de compte. Et ce qui est terrible, c'est que c'est difficile à en parler parce que moi, j'étais en position de victime aussi, puisque j'ai laissé maltraiter des jeunes devant moi. Tu vois, j'ai laissé faire, donc c'est très salissant. Et j'ai pas envie de dire... Moi, ce qui me pose question, c'est que je pense qu'il y a d'autres institutions comme ça, c'est qu'il y a d'autres lieux maltraitants, et c'est que ces jeunes-là arrivent, elles ont été maltraitées. Et qu'est-ce qu'elles vont en faire d'être dans une institution 1 an, 2 ans qui les maltraite, où elles n'ont pas le droit de parler, où elles n'ont droit d'être que des petites garces, enfin, tu vois, elles, c'est ça qu'elles étaient là-bas, tu vois, elles étaient vraiment rendues, tu t'habilles comme ça, t'es une pute, tu veux appeler ton avocat, tu vas voir ce que tu vas voir, les Africains, elles leur disaient, les jeunes filles africaines, elles leur disaient, tu vas voir, je vais te faire retourner dans ton pays, enfin, des trucs où tu te dis, mais c'est pas possible, quoi, La directrice qui disait ça, tu vas retourner dans ton pays. Parce que ce qui serait peut-être intéressant, donc j'entends bien, moi j'y étais pas, hein, on a affaire à quelqu'un de quoi pour finir ? Une directrice mauvaise, une directrice frustrée, une directrice dictate, Hitler, qu'est-ce qu'elle faisait exactement, quoi ? C'était quoi son problème en fait à cette femme ? Parce que précisons que cette institution est fermée aujourd'hui. Ouais, elle est fermée. Ça c'est peut-être en second plan. Que je poserai la question, c'est... pourquoi ouais, c'est fermé. Mais cette femme, ouais. À la base, qu'est-ce qu'elle avait en fait ? Mais je sais pas d'où. Le souci, c'est que tu vois, elle a. Moi, à un moment donné, au bout de quand même 3 mois, moi, j'ai commencé à parler à l'équipe et dire voilà, on peut pas rester comme ça. On devient collaborateur de maltraitance. En fin de compte, si on ne fait rien, donc il faut faire quelque chose. Il faut en parler à l'extérieur. Il faut comprendre à qui on doit aller s'adresser. Et chose qui a été faite et chose qui avait été faite même par les éducateurs des anciens qui étaient restés super longtemps éducateurs à CASA. Et ils ont envoyé des courriers à, comment il s'appelle, le délégué en chef de l'aide à la jeunesse pour dénoncer ce qu'ils voyaient sur les jeunes. Hein. Et ils mettaient même la maltraitance que eux, en travailleurs, vivaient de côté. Tu vois, c'était les jeunes, parce qu'à la limite, toi, t'es adulte, tu vas voir un psy, ou tu vas t'en remettre, t'en parles, j'en sais rien. Bon, après, il faut avoir les couilles de changer de boulot et te dire, je démissionne, tu vois. Mais moi, voilà, bref. Et on a monté une équipe. Mais c'était extrêmement difficile. Moi, je me suis retrouvée comme celle qui gueulait trop, toi qui étais rebelle, nanana. Et ça m'a vraiment bousillée, quoi, tu vois. Et comme j'avais un contrat précaire, c'était difficile de... J'ai été voir même au droit du travail un inspecteur qui connaissait très bien cette institution. Il avait déjà vu 15 personnes venir pour raconter ce qui se passait. Et on est dans des incohérences, mais monstrueuses, où il disait peut-être que là, si vous portez plainte, alors va y avoir quelque chose de fait. Mais ça faisait déjà 3 ans que ça courait. Elle a licencié 53 personnes en 3 ans. Et elle a licencié des personnes pour faute grave professionnelle, qui était à 4 ans de la retraite. Enfin, tu dis tout est aberrant. Et ce qui est le plus aberrant, c'est pourquoi le système, même des juges savaient très bien ça. Moi, comme je savais qu'il y avait une juge qui était au courant, je l'avais appelée, je lui avais dit qu'est-ce que je peux faire, j'aimerais bien faire une action. Dans l'équipe, on est à plusieurs. Oui, nous sommes au courant. Aider la jeunesse. Mais enfin, tu te dis, et elle, l'institution a fermé parce qu'elle a eu tellement de frais, je pense, avec les procès qu'elle était en train de perdre, mais elle n'est pas punie. Je veux dire, moi, je l'ai vu que punir les jeunes. Tu n'auras pas le droit de sortir parce que tu me parles comme ça, alors qu'elle venait de chercher les jeunes et de mettre des jeunes à bout. Elle les connaissait. Enfin, tu vois, c'était des jeunes quand même qui étaient sanguines, quoi. Et les jeunes arrivaient et dans le couloir, devant tout le monde, elles pouvaient commencer à leur parler de leur vie privée. Alors, tu veux retourner chez ta mère, c'est ça? C'est chez ta mère que tu vas retourner, alors qu'elle sait très bien qu'elle va pas retourner chez sa mère parce que sa mère la maltraite. Mais tu vas voir, tu vas retourner chez ta mère. Ou en Afrique, des trucs comme ça. Du coup, une jeune qui pète les plombs et qui lui dit, mais tu n'es pas éduquée. Enfin, c'est le monde à l'envers. Et après, les jeunes venaient pleurer dans notre bureau. Et nous, en gros, on devait dire, ah, non, enfin, la directrice. Donc, tu vois, enfin, et les jeunes ont vécu dans cette ambiance-là. Parce que, t'imagines, elles ont besoin d'un foyer pour se poser. Et elles voient des adultes qui se respectent pas, qui se font traiter comme, d'ailleurs, elles nous le disaient, vous êtes des chiens. Tu vois, quelle image tu donnes à ces jeunes de l'adulte qui est quand même là à un moment donné pour les accueillir, enfin, tu vois. Moi, ma question, c'est qu'il y a des jeunes que j'ai vus après où elle me disait, je l'ai toujours dans ma tête, c'est un trou noir, elle m'a fait une noirceur, tu vois, parce que je pense qu'elle a transformé certaines jeunes, elle les a rendues agressives, elle les a omnibulées, comme c'était rien pour elle, cette femme. Tu vois, ils ont déjà leurs parents ou des choses à construire, déconstruire, construire. Et il y a quelqu'un qui va passer dans leur vie. Elles ont quand même resté 2 ans et elles arrivent quand même complètement à nu. Et puis, il faut qu'elles se déposent. Enfin, il faut qu'il y ait le travail qui soit fait. Et il y a quelqu'un qui les aura maltraitées et qui n'aura pas été jugé. Leurs parents ont été jugés, entre guillemets, ou il y a une prise en charge qui a été faite. On a changé une situation en disant, nous voyons que tu es en danger, ou voilà, la situation ne va pas, plus avec l'aide à la jeunesse, on va changer quelque chose. Peut-être, tiens, tu vas aller dans un foyer, peut-être. Alors que là, rien. On est dans du non-dit, il ne se passera rien. Cette maltraitance, elle est réelle, elle est harcelante, elle est au quotidien. Humilier des jeunes, tous les jeunes étaient psychotiques, pervers pour elle. Donc elle leur disait même que c'était des grands malades. Alors qu'elle, elle est perverse, narcissique, grave, dangereuse. Donc ça atteint tout le monde. Je pense que quiconque, ils savent bien toucher les failles. C'est une aventure bête. Mais moi, la honte que j'ai eue, c'est en tant qu'adulte de laisser faire ça à des jeunes. Et d'avoir les boules de me dire, les autres bougent pas parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. C'est ce que j'ai entendu. Voilà, c'est la crise, j'ai peur de perdre mon travail. Et t'en arrives à, par moments, je regrettais même à me dire pourquoi pourquoi t'as parlé, pourquoi mais parce que j'en pouvais plus, hein. Quand j'étais voir un psy, il m'a dit, vous êtes en burning out au travail. Parce que je lui disais, ce qui me scissionne le plus, c'est ça. Enfin, tu vois, c'est laisser faire quelque chose qui est complètement hors norme, hors éthique, qui est pas anormal. Moi, je comprends pas pourquoi l'aide à la jeunesse, c'est, et au courant, le délégué de l'aide à la jeunesse a eu un courrier, pourquoi ils n'ont rien fait? Ça pose question, c'est effrayant, je trouve. C'est effrayant. Parce que tu te dis, ça veut dire qu'à d'autres endroits, il y a d'autres jeunes qui vont arriver et qui vont vivre des choses. Ils n'y ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit parce que c'est des jeunes qui sont placés. Elles n'ont pas le droit de pas vivre ça. Enfin, quand tu dis... enfin, moi, ce que j'ai entendu dans tes derniers mots, c'est genre le délégué des droits de l'enfant, c'est ça? Ouais. Donc, il y a eu une plainte déposée au délégué des droits de l'enfant. Il y a eu un courrier adressé... Comment il s'appelle, ce monsieur Bernard DeVos. Ouais, Bernard DeVos, même à la ministre de l'aide à la jeunesse, hein, un courrier de l'équipe qui était en place à un moment donné, où il citait, je pense, ce qu'il voyait comme maltraitance, tu vois, parce qu'elle dénigrait les jeunes sur leur physique, mais et surtout, elle les tenait par plein de punitions, tu vois, enfin, t'iras pas dans ta famille, ou tu vas retourner dans ta famille, et rien n'a été fait. Donc après, quand nous, en tant qu'équipe, on s'est dit, on va faire quelque chose, on a répertorié toutes les maltraitances qu'on voyait, de la plus petite à la plus grande, de toutes les contradictions dans lesquelles elle était, cette femme aussi, avec les jeunes, puisqu'elle était avec nous aussi. Tu dois faire ci, quoi, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, mais comment ça, je t'avais dit de faire ci. Donc, de toute façon, c'était toujours les autres qui étaient responsables de pas avoir bien fait, et autant les jeunes, tu vois, les jeunes, elle les faisait devenir fous. D'ailleurs, il y en a plein qui lui disaient « je vais la tuer ». Cette jeune africaine où elle lui disait « tu vas retourner en famille ou en Afrique », elle disait « la nuit, je pense que je vais la tuer ». Tu te dis comment tu peux rendre une gamine de 17 ans qui a d'autres chats à fouetter, qui a son école à assurer, qui a peut-être un amoureux, qui a des problèmes monumentaux parce qu'elle se retrouve quand même seule. Enfin, tu vois, elle vient d'Afrique, c'est compliqué. Et elle pense qu'elle doit tuer cette femme parce que cette femme la harcèle. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que est-ce que tu étais, tu faisais partie de la bande qui avait écrit ce courrier pour dire que cette directrice de ce centre était complètement bargie. Est-ce que tu faisais partie de la bande ou bien c'est quelque chose qui s'est passé avant toi ? C'est quelque chose qui, à un moment donné, quand on a voulu agir, moi j'ai appelé. Enfin, je me suis renseignée et voilà, j'ai eu vent que ça avait déjà existé, tu vois. Je peux pas nommer parce que c'est extrêmement compliqué. Que ça avait déjà existé, je comprends pas bien. Il y avait déjà eu des plaintes de déposer des anciens éducateurs, que on était dans un perpétuel recommencement, qu'il y avait 54 personnes qui avaient été virées, que dès que tu étais une personne qui allait dire non, un tant soit peu, non, je ne suis pas d'accord. Moi, je me souviens d'une jeune qui avait la jambe pétée, qui avait essayé de sauter par la fenêtre pour fuguer du deuxième étage, qu'on aurait pu se tuer, et elle l'a laissée au quatrième étage en haut, et moi, on va la mettre en bas. Enfin, elle a mal, elle marche pas, et tu vois, elle descendait même plus manger. Non, on va pas lui faire du bien. Et de dire, tiens, on va lui dire ça, parce qu'en fin de compte, ça ne l'arrangeait pas qu'elle soit là, cette jeune, parce qu'elle était extrêmement fragile. Voilà, elle était très, très fragile. Et elle ne rentrait surtout pas avoir peur d'elle. Elle était trop fragile pour avoir peur de la directrice. Et elle en arrivait à dire, dans le bureau, je me souviens, je me disais même, je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Ce n'est pas possible qu'un être humain puisse dire ça. Ah bah tiens, on va lui dire ça, comme ça, on va lui faire péter les plombs. Et comme ça, elle va se casser... Elle va fuguer à nouveau avec sa béquille. Donc tu te dis, là, on est... t'approches de l'ignominie humaine. Mais c'est quelqu'un qui s'occupe des jeunes qu'ils ont placés. Donc, et les services sociaux le savent, le savent pas. Alors, mais ils le savent un petit peu, ils font rien. Donc tu te dis, mais alors l'aide à la jeunesse, laisse faire ça. On est dans une structure, je sais pas, une machinerie qui est trop grosse. Il y a trop de jeunes, il y a un truc qui va pas, tu vois, il y a un truc qui va vraiment pas. En fait, quand je t'entends, ce serait intéressant d'aller voir, tiens, dans cette aide à la jeunesse, dans cette institution, qui gère quoi, comment. Donc s'il y a des plaintes qui ont été déposées, ce serait intéressant de voir... Tiens, qu'est-ce qu'il en est ? Parce que c'est vrai que si il y a déjà une démarche qui a été mise en place pour dire « Allez, on se rassemble, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que la directrice dysfonctionne complètement, là, on se met ensemble pour porter plainte, et si ça ne marche pas, cette plainte tombe dans l'oubli, ben, c'est vrai que ça devient un peu compliqué, du coup. Maintenant, je sais que ce n'est pas évident, hein, de toute façon, voilà, mais j'ai envie de poser quand même la question. Et toi, personnellement, d'aller sonner d'aller sonner chez les gens qui sont censés défendre ce droit à la jeunesse. Ben, c'est vrai que quand j'y travaillais, j'étais dans un double fonctionnement dans ma tête où je me disais, je savais que j'avais qu'un CDD et à la fois j'ai deux enfants, tu vois, donc j'étais dans une situation précaire aussi à me dire, moi j'avais fait un peu la tête brûlée, donc j'ai été éjectée. Puisque elle le savait très bien que moi J'en pensais pas moins. Je lui ai dit en réunion, quand elle me hurlait dessus, une fois je lui ai dit non, vous me parlez pas comme ça, vous ne me parlez pas comme ça. Tu vois, c'est pas possible. Je suis un être humain, j'ai besoin. Et nous, on a écrit un courrier où on reprenait les chartes des droits de l'homme, quoi. Tu vois, toute la charte de l'aide à la jeunesse. Droit au respect, droit, tous les droits étaient pas respectés en fin de compte. Et ce qui est fou en plus, c'est que quand, comment dire, tu me dis aujourd'hui, moi j'ai eu envie de sonner en ce qui m'a paru le plus loyal, c'est de dénoncer ce que je voyais. Donc de reprendre tout ce que je voyais comme maltraitance avec les mots des jeunes. Et en l'écrivant, je me disais, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça m'a rendu malade parce que je me dis, mais en fin de compte, si, c'est vrai, ça fait un an que tu vis dans une institution maltraitante. Et comment ça se fait que t'as tenu un an même? Tu vois, comment on fait à rester, à travailler? Ça veut dire que là, les gens ont tenu encore un an. Donc, il y a des choses qui ont été faites, mais il a fallu foutre un gros coup de massue, que moi je sois éjectée. Enfin, tu vois, et les gens qui avaient été éjectés avaient essayé aussi de le faire. Donc, ce qui est plus inquiétant, c'est que tu te dis, moi, ce que j'ai envie, c'est vrai que j'ai eu envie de le faire, même appeler le délégué de l'aide à la jeunesse. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je le connais, appelle-le. J'ai appelé une juge, elle m'a dit, anonyme, on peut pas parler. Alors que c'est vrai que je me suis dit, mais moi, il faut que j'aille le voir. Je l'ai même croisé à un festival de documentaire où il était là pour remettre un prix de l'aide à la jeunesse ou je ne sais quoi. Et je me suis dit, mais j'ai envie de le voir pour lui dire, effectivement, où est cette lettre? C'est une lettre perdue. Ou alors il en reçoit tous les jours. Et que c'est que de la banalité d'institutions qui fonctionnent mal et qui le savent, ça pose question. Parce que quand on te demande d'être éducateur dans une institution, t'as envie de faire ton boulot bien. Donc c'est grave, si tu vois, c'est pas un jeune maltraité, c'est tous les jeunes maltraités, tous les travailleurs maltraités, et au quotidien, et on est dans une vraie tuerie, et il y a du mal qui a été fait à ces jeunes. Qui va réparer ça? Qu'est-ce qu'elles vont garder de ça? C'est normal, elles vont se dire. Moi, à la fin, je leur disais non, personne n'a à vous traiter comme ça. Quand vous sortez, vous vous dites, c'est pas ça la vie. C'est pas possible. Personne n'a du pouvoir comme ça sur toi, parce qu'il est directeur. Personne. Mais est-ce qu'elles vont garder ça ou est-ce qu'à nouveau, tu vois, elles vont accepter ça? Ouais, c'est sûr. Enfin, en même temps, c'est des filles qui sont bien hardes. Donc j'imagine qu'elles sont rodées à la méchanceté, à l'injustice, à la violence. Et c'est ça, en fait, hein, dans l'aide à la jeunesse, c'est qu'on devrait proposer autre chose que ce système où on les écrase, quoi. Donc quelque part... Elles doivent. Ça a dû faire remonter aussi de la violence habituelle à l'intérieur d'elles-mêmes, quoi. Et c'est ça qui est dangereux aussi, parce que la question que je me pose quand je t'écoute tout ça, tu sais, quand on entend dans les médias, attention, il y a eu un meurtre d'un jeune sur un adulte, à voir qu'est-ce qui s'est passé avant pour que ce jeune en arrive à ça. Tu vois aussi. Et là, maintenant, l'occurrence dans votre institution, j'imagine un passage à l'acte d'un jeune, ça aurait été bien compliqué après de justifier, d'expliquer, etc., etc. Tu vois, enfin, moi, je propose, quand on entend tout ça, de réagir, d'agir. Je sais que c'est facile à dire et que le système, il est tellement mal foutu, plutôt bien foutu, pour que tous les gens se tiennent dans quelque chose même de malsain. Parce que sinon, t'as plus d'argent, t'as plus de boulot, qu'est-ce que tu vas faire? Et en même temps, c'est la vie des autres. C'est horrible comment ce système est fait, quoi. Voilà. Mais aussi, j'imagine, c'est facile à dire, hein, moi, je le répète, hein, j'ai facile à dire, mais contre quelqu'un tout seul, vous êtes 8, 9, 10, pourquoi il n'y a pas eu un rassemblement de se dire, si vous êtes 10 bien mis tous d'accord en face d'une personne pour dire maintenant on ne travaille plus tant qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Pourquoi Ça ne s'est pas fait parce que personne ne voulait le faire. Parce que même moi en réunion, je disais voilà, en réunion, on doit lui parler. On doit lui parler, mais pas moi seule, parce que si je parle seule, je vais être celle qui est énervée, je vais être celle qui va être vite mise de côté. Et elle était tellement perverse qu'elle arrivait à même savoir très bien ce que c'était d'isoler quelqu'un. Tu vois, elle avait l'habitude, puisqu'elle a déjà, elle a viré des gens, elle a vu des gens même démissionner, elle lui écrire des courriers par manque d'éthique, je ne peux pas continuer à travailler dans cette institution. Mais monter une équipe à voir, qui ne voit plus, ou qui a accepté de travailler comme ça, ou qui va te dire « la seule chose stable dans ma vie, c'est mon travail », c'est compliqué. Et eux, ils voulaient attendre. Et les gars vont, tu vois, il y a des jeunes qui sont en danger réellement, comme cette jeune femme qui disait « j'ai pensé la tuer ». Heureusement qu'elle n'a que pensé à ça, mais elle avait pensé qui pourrait l'aider à la tuer. Il y avait, enfin, tu vois, donc c'est... Comment ça se fait que cette équipe n'a pas bougé ? À plusieurs, quand même. Elle n'a pas bougé parce qu'en fin de compte, elle a embauché que des jeunes qui commençaient à travailler, que des jeunes qui n'avaient jamais travaillé. Donc, il n'y avait même pas la notion. À la limite, ils disaient, c'est ça le travail. Toi, ils me posaient la question. Donc, moi, je dis, non, je te promets qu'il y a des endroits où tu dois travailler. Tu es heureux de travailler et tu travailles bien et c'est sain et tu n'es pas dans un rapport de pouvoir, de peur. Elle avait sclérosé les gens. Les gens avaient peur d'elle, parce qu'elle humiliait les éducateurs devant les jeunes aussi, tu vois. Donc, il y avait une espèce de mainmise sur la personne. Donc, tout le monde avait peur d'elle. Même moi, j'ai eu peur d'elle à la fin, je pense. Elle a été mettre ses... Alors que, tu vois, j'ai peur... Eh ben, elle a mis quand même ses doigts dans une faille de... Elle arrivait à retourner quelque chose, de dire, tu travailles mal, ou... moi, j'avais un chouette lien avec les jeunes... Voilà, c'était... mais je parlais beaucoup aux jeunes, j'écoutais beaucoup les jeunes, et ça a été ça même, j'écoutais trop les jeunes, et les jeunes, à un moment donné, elles ont craqué. Donc, elles m'ont raconté de plus en plus de choses, des petites choses qu'elles faisaient. Tu trouves ça normal, Chris ? Non, enfin, tu vois, moi, je commençais à comprendre. Quoi. Non, là, moi, je comprends plus, je décroche. Quand tu dis, tu trouves ça normal, Chris ? C'est qui parle, là ? C'est une jeune, tu vois, qui vient se confier à dire ce qu'elle leur dit en entretien seule. Tu vois, où elle disait à des jeunes ce que je t'ai dit, t'as pas le droit. Tu vas appeler ton avocat, tu vas voir ce que tu vas voir. Est-ce qu'elle a le droit de me dire ça ? C'est vrai que j'ai pas le droit d'appeler mon avocat, mais bien sûr que t'as le droit d'appeler ton avocat. Tu vois, mais je suis pas une psychotique perverse, Chris, mais dis-moi-le, parce que moi, elle me dit que je suis une grande malade et que si ça continue, elle va me mettre à la rue et que c'est là que je vais finir. Je vais pas finir clochard, Chris, quand même. Mais non, tu vas pas finir clochard. Mais elle te le dit tous les combien ? Mais elle me dit à chaque fois que je la vois que je vais finir à la rue. Donc c'est effrayant parce que tu n'arrives même pas avec ta pensée à te dire que... Moi, en tout cas, c'est fou comment on peut... comment dire ? Tant qu'on ne va pas approcher des humains qui ont du mal en eux, je ne sais pas pourquoi cette femme avait besoin de faire du mal. À la limite, je m'en fous, tu vois. Et je pense que c'est quelqu'un qui est malade, qui doit souffrir effectivement pour avoir besoin d'être autant dans la manipulation et comment dire, faire du mal à des jeunes à la dérive, quoi, tu vois. C'était vraiment mainmise. Ah, t'as mis ce pantalon avec la fermeture derrière, tu vas faire le trottoir chez les putes, là. C'était au quotidien. Donc, au quotidien, elle faisait que des jeunes devenaient cocottes minutes. Les flics étaient là tous les soirs parce qu'il y avait des fugues. Non, mais tu peux comprendre que les jeunes, à un moment donné, elles fuguent, quoi. Et ce qui est désolant, c'est qu'il y a plein de jeunes, je pense, qui ont été en plus, comment dire, foutus à la porte par elles, parce qu'elles décidaient que non, ça n'allait plus. Tu vois, non, elles... Et on ne saluait même pas les jeunes. Donc, du jour au lendemain, on revenait, elle avait été mise à la rue. Mise à la rue, tu vois. Et même, ce qui est fou, c'est que... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on faisait des mandats. Il y avait des courriers d'écrits à l'aide à la jeunesse. Donc, tout était manipulé. En plus, c'était une institution avec une approche psychanalytique. Donc, alors là, la cata totale, quoi. Là, et puisqu'elle avait l'impression d'avoir, en plus, un pouvoir absolu intellectuel. Et quoi, c'était une vieille dame ou une jeune ou... Une femme de 45 ans. Donc, après, tu vas te dire pourquoi l'équipe ne s'est pas rassemblée. Parce que... Parce qu'elle était là partout. Tu vois, je sais pas comment dire. Tout le monde parle d'elle tout le temps. Tout le monde, moi, quand j'ai commencé à dire, il faut faire une équipe parce que si on est 8, donc il y en a un, il voulait pas, il disait bouche cousue. Moi, je ne veux pas. Je suis proche de ma retraite, je ne dirai rien. Je n'en pense pas moins, mais je ne dirai rien. Et bon, quand même, ça a bougé puisqu'il y en a un qui s'est mis délégué syndical et ça a bougé. Mais l'institution a fermé un an après et rien n'a été fait. Si elle, son institution ferme parce que il y a eu des soucis financiers, mais aucunement elle ne va être dénoncée. Moi, c'est plus au niveau de la loi, puisqu'on n'arrête pas de parler dans ces institutions de la loi, la règle. Et que là, les jeunes ont subi de la non-loi, du non-droit, et que je trouve ça même important pour elles, symboliquement, dans leur vie même tout de suite, qu'elles sachent qu'elle a été punie. On lui a signifié, un autre adulte lui a signifié, vous n'aviez pas le droit de traiter des jeunes comme ça. Mais comment tu sais qu'elle n'a pas été punie ? Parce que moi, je suis en lien encore avec des éducateurs. Je suis restée amie et ils m'ont appelée pour venir manger avec les jeunes là, parce que l'institution fermée et que c'est une vraie. On a été dans ce huis clos. Donc à la limite, c'est une épreuve qui lie quoi. Moi, j'ai été liée avec des gens par rapport à ça ou même j'avais rencontré des anciens éducateurs où il y en a un, il était venu avec ses antidépresseurs. Il m'avait dit, il faut prendre des antidépresseurs. Hein. Elle va vous rendre folle. Enfin, tu te dis, c'est comment on peut donner autant de pouvoir à quelqu'un à un moment donné, on est une équipe. Et c'est vrai que moi, j'ai pensé à la collaboration. Tu vois, je me suis dit, je suis devenue collabo. Alors, on peut vraiment, à un moment donné, abdiguer dans sa tête et t'as ton cerveau, je sais pas ce qui se passe, tu fais plus rien. Tu ne vois plus, tu as juste envie de garder ton travail. Tu vois, où t'es tellement manipulé, tellement mis à mal, que t'as plus de pensée lucide sur le mal et le bien. Parce que là, c'était vraiment le mal et le bien quand même. On est dans cette... Je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Et ce qui est fou, c'est en plus humiliant par rapport à des jeunes de voir que tu te fais traiter mal, que tu les laisses se faire traiter mal. Donc, c'est toute une institution malade. Donc, moi, c'est plus la question de la maltraitance institutionnelle. Comment elle se met en place? Comment on la laisse se mettre en place? Comment l'aide à la jeunesse laisse des institutions maltraitantes encore en place? Qu'est-ce que fait un travailleur pour perdre sa tête à un moment donné et plus avoir de dignité humaine, tu vois, et on y arrive, puisque dans cette institution, voilà, bon après ça a roulé, hein. Là c'était que des jeunes, comme je te dis, qui n'avaient jamais travaillé, donc il n'y avait pas d'expérience, donc ça elle le faisait exprès, elle prenait des gens sans expérience, qu'elle pouvait manipuler. Et donc toi t'es partie un an avant que ça ferme, mais t'es partie spontanément, t'es partie parce que tu t'es fait virer, t'es partie pourquoi? Ben, virée, ça aurait été... mais je l'ai été. Même si mon contrat s'arrêtait, normalement, j'aurais dû continuer. Et ouais, ça a été un peu... elle disait que j'étais une meneuse, quoi, tu vois. La fois où je lui ai dit de ne pas me parler comme ça, elle est venue tout de suite après la réunion me voir, me dire, oh, tu ne vas pas me faire le coup comme d'autres ont fait de mener mon équipe contre moi. Alors que je lui ai juste dit de ne pas me parler comme ça. Donc tu te dis, attends, il y a un problème. Et moi, de lui dire, non, vous inquiétez pas, tu vois, pour la calmer. Et à la fois, je me disais, mais on rentre dans la folie, quoi. Et donc, tu deviens fou, en fin de compte. Enfin, puisque c'est une réalité. Moi, tu deviens fou dans le sens où c'est plus ça qui me pose question. Il y a l'aide à la jeunesse. Donc, il y a des structures au-dessus qui gèrent. Il y a la loi, il y a le ministère. C'est grave. On est c'est quoi, l'éducation, la santé publique. C'est des trucs balèzes d'institutions, de pays, tu vois. Et... rien n'est respecté. Donc, tu sais qu'il y a des gens qui ont déjà porté plainte. Rien n'a été fait. Donc, tout le monde était dans un fatalisme. Ça va rien, ça va pas servir ce qu'on va faire. Ça va rien changer. On peut rien contre elle. Elle est très forte. Mais mon Dieu, c'est qu'une femme. Enfin, tu vois, c'est fou. Enfin, je vais pas te dire de conneries, mais tu comprends. D'autres systèmes totalitaires, quoi. On est vraiment. C'était une institution totalitaire. Et quoi, on peut pas, je te charrie, hein, on peut pas avoir le nom de cette dame et son prénom, comme ça, elle est sur la liste rouge et on dénonce un peu, ou c'est pas possible? Mais le pire, c'est que tout le monde le sait. C'est là où j'ai envie de te dire, moi je sais que tout le monde, j'ai rencontré des psys qui disent, ah oui, cette institution, cette femme, ah oui, tout le monde était au courant. Donc, en plus, tout le monde est au courant, mais personne fait rien. Et toi, tu travailles, t'arrives même pas à faire non plus, comme si tu perdais les pédales et que tu sais pas quel fil tirer pour à un moment donné faire que ça soit entendu et que ça s'arrête. Ça s'est arrêté pour des problèmes financiers, parce qu'elle est en liquidation judiciaire. Mais ça ne s'est pas arrêté. Elle a même été... elle a eu son... Comment on appelle ça? Son titre, son... Elle a été homologuée. Alors que tout le monde savait, jusqu'au dernier moment, la veille, ça devient rocambolesque et même burlesque. Les témoignages sur les jeunes qui avaient été maltraités, ils les attendaient. Une super mauvaise organisation. Devrait y avoir, je trouve, des inspecteurs, et même les inspecteurs étaient de mèche avec elle. Il y avait le pouvoir organisateur, était de mèche avec elle. Donc, t'es dans un truc de fou où tu te dis, tout le monde, c'est même plus. Tu parles à un éducateur, il fait tais-toi, les murs ont des oreilles. Enfin, tu te dis, c'est. tu vois, c'est. et il n'y a que les jeunes qui ouvrent leur gueule finalement à dire, alors les chiens, vous allez bien les chiens? Donc, tu te dis, bon, ben voilà, les jeunes. Et quand elles ouvrent trop leur gueule, eh ben elles se font punir. Elles n'ont pas le droit d'aller voir leurs parents. Elles se font saquer. Elles deviennent le bouc émissaire. Donc elles roulaient hein, dans les boucs émissaires aussi. Mais j'ai pas envie d'en rester à l'anecdote de cette femme. Mais ça pose plus question sur l'état des choses. Tu vois, l'état de là où on en est, nous aussi, êtres humains, à se dire mais. Il y a plein de gens alors qui doivent se faire maltraiter parce qu'ils ont, et qui gardent ça parce qu'ils ont envie de travailler, parce qu'ils ont peur de ne pas retrouver de travail. Ça, c'est effarant et c'est bête. Il y a d'autres pays, je sais, où il y a des dictatures réelles. Mais là, on est censé être dans une démocratie, tu vois. Donc, démocratie, je sais pas. C'est pas tellement démocratique, quoi. Mais pas du tout. Et c'est là où c'est encore plus terrible, c'est qu'on devrait avoir le droit à la parole, tu vois, le droit à l'expression. Et non, enfin, le harcèlement, ça existe bel et bien en Belgique, tu vois. Voilà, c'est clair et net, et rien n'est fait. Plein de plaintes ont été faites, l'inspecteur que je vais voir, « Oh, cette institution, oui, je connais bien. Ah bon ?» Beaucoup de personnes sont venues me voir, « Ah bon ?» pendant 2-3 ans, « Ah bon ?» Et rien. Le psychologue que j'ai vu, ah, oh, vous n'êtes pas la première. D'accord. Et tu vois, moi, même à un moment donné, je me disais, mais attends, je suis française, c'est quoi? Je suis pas chauvine du tout à me dire, ouais, la France est différente. Mais je me dis, ils sont mous, quoi. C'est moi qui suis énervée parce que putain, on a des droits, faut gueuler, on se met en équipe. Mais tout seul contre une personne, tu peux rien faire. non, elle est bonne, celle-là. Mais attends, tout seul contre une. Ah oui, tout seul contre une personne. Bah si, t'es à égalité. C'est un contre un. Oui. Maintenant, 10 contre un, c'est là que moi, je ne comprends pas. Et en même temps, mais moi, je comprends toujours pas. Je peux comprendre que les gens ont peur de leur travail, leur petite sécurité, machin. Mais c'est quand même horrible de venir tous les jours travailler dans une structure où c'est dégueulasse. Donc, c'est motivant de se mettre ensemble pour dire, allez, il faut que ça change, là. Ah, mais à fond. Mais moi, je suis partie, en fin de compte, tu vois. Du coup, j'ai été éjectée. Et c'est vrai que... rien n'a été fait après. Après, si, je sais qu'il y a mais rien n'a été fait. La lettre, on avait écrit une lettre, enfin, moi, où j'avais tout, à la fin, je l'ai écrit, et puis j'ai repris juste ce que je voyais, tu vois, j'ai rien inventé. J'ai repris les maltraitances que je voyais sur les jeunes, et on avait dû faire un courrier pour nous, en tant que travailleurs, ce qu'on trouvait délirant, et puis ça te mène à la dépression, en fin de compte, en plus. Enfin, tu vois, ça t'abîme vraiment la tête, le corps. C'est pas possible de vivre ça. Tu peux pas. Moi, je suis étonnée de voir même des gens qui n'étaient pas plus atteints, qui s'habituaient. Et ça, ça m'effrayait de me dire, mais c'est moi qui suis pas bien à pas supporter ça dans ma tête, toi, à ce que ça me rende malade, parce que parce que c'était pas acceptable, quoi. Et quand je dis une personne, quand t'es en équipe et que t'as que une personne qui l'ouvre, tu te fais latter, et les autres ils disent rien. Tu vois, enfin, s'ils disent rien. Il y avait une autre personne qui, avec moi, qui parlait, elle avait dû relire le code des déontologies, tu vois, pour lui nommer. Parce qu'elle nous disait tout le temps, vous êtes en faute grave, attention, vous allez être en faute grave, vous faites des fautes graves, la porte n'est pas fermée, c'est une faute grave. Tu vois, tout devenait faute grave, donc une peur au quotidien, donc tu ne parles même plus. Tu sais que tu ne dois pas parler, puisque si tu parles, ça va être une faute grave. Et il y avait une personne dans l'équipe qui avait lu le code de déontologie pour lui dire, voilà, une porte fermée, hop, elle avait relu le code de déontologie, ce n'est pas une faute grave, par contre, est une faute grave, en lui reprenant quelque chose qu'elle devait faire. Et elle a été, on lui a envoyé des courriers d'intimidation. Tu vois, elle l'a même envoyé voir quelqu'un, un coach, pour dire attention, quoi. Donc, attention à votre poste. L'ouvrez pas trop, quoi. Restez à votre place. Donc, c'est quoi ta place? C'est une place où tu dois rien dire et subir des ordres qui n'ont pas de sens. et punir des jeunes en son nom où t'es pas d'accord, et laisser une jeune au quatrième étage avec sa béquille qui mange plus, et surtout ne pas lui donner à manger, pas donner de pain, et du coup t'es en faute grave si t'as donné du pain, il y a une émeute parce qu'il y a une jeune qui veut du pain. Enfin, moi j'ai trouvé ça barge, quoi. Je me suis dit, mais sans rire, je me suis dit, mais c'est quoi ces institutions? Évidemment qu'il faut qu'il y ait un cadre et des règles et une loi, mais si la loi est mal faite et qu'elle est faite par un fou, est-ce qu'on doit la respecter? Donc moi je sais qu'il y a des choses que je respectais pas, et du coup même l'équipe suivait, disait mais ah, si tu fais pas ça, gna gna, tu vois, nous aussi on est en tort, mais moi j'allais pas respecter des choses qui maltraitaient les jeunes, quoi, autrement je serais devenue folle. Donc, moi ça m'a vraiment posé question, je me suis dit mais si toutes les institutions sont comme ça. Après j'avais été à une formation de l'aide à la jeunesse où j'avais pu en parler avec un psychologue qui était vraiment un ponce, enfin tu vois, habitué aux institutions. Il me disait bon là on est dans une grande caricature quand même, mais voilà, lui m'avait dit adresser un courrier au délégué, adresser un courrier à Bernard Vost. Il est bien, il va entendre. Bon, il n'a pas été réadressé. À la limite, il faudrait qu'il le reçoive, parce que cette femme, même si l'institution est fermée, moi je trouve qu'elle mérite de... Et c'est pas une vengeance de « elle m'a abîmée, je veux l'abîmer », c'est qu'elle avait un rôle à grande responsabilité envers des jeunes. Donc si elle a choisi d'être directrice, elle doit aussi payer les conséquences de ses mauvaises actions envers ses jeunes. Évidemment, ça me semble légitime. Et d'ailleurs, on ne devrait plus donner un poste à responsabilité à cette femme, quoi. C'est pour ça que je dis, tu ne veux pas donner son nom et son prénom à cette... Allez, quoi, on va tous mourir un jour, au moins on aura fait une action forte. Et puis de toute façon, on ne sait pas qui tu es. On ne sait pas qui tu es. Arrête, on va reconnaître ma voix. Non, tu vois, le pire, c'est ça, je ne sais même pas pourquoi je n'ose pas donner son nom, parce que je sais qu'il y a des procès en cours, et que voilà, ça peut mettre les procès, toute médiatisation. C'est ça qui est fou, hein, parce que moi, à un moment donné, je m'étais dit, il faut en parler aux médias, alors on va en parler à la presse, et du coup, ça va même mettre les supérieurs de l'aide à la jeunesse dans la merde. Quelque part, ça leur fout leur merde devant les yeux, voilà. Il se passe ça dans cette institution, je veux dire, des tentatives de suicide à tirer l'arigot, voilà, et c'est pas dû à que c'est dû à une institution, puisque c'est comme un chez elle, et si le chez elle est complètement taré et qu'elles arrivent de lieux compliqués, enfin, et en plus les parents étaient maltraités de ces jeunes aussi, tu vois, elles pouvaient dire ton père, quoi, t'as un père, des trucs comme ça, ah c'est ton père qui t'éduque, parce qu'une jeune se fait un piercing, ah bah dis donc, il t'éduque bien ton père. Mais tais-toi, enfin, je veux dire, qui tu es pour... C'est son père, enfin... Ouais, on a bien compris que c'était vraiment une méchante dame. Tu veux absolument pas donner son nom ni son prénom. qu'on puisse, si jamais, avoir un repère, en tout cas dénoncer quelque chose. Mais tiens bon, hein, moi j'insiste, mais tiens bon, de toute façon, qu'est-ce que ça va changer? Mais non, mais je te dis, le problème, c'est que j'ai envie de respecter les gens qui sont en procès contre elle, parce que j'avais entendu que si tu médiatises quelqu'un qui est en procès, tu vois, si c'est médiatisé, ça casse le procès, en fin de compte. Il est plus légal. Il est plus en norme. Mais ouais. Parce que moi, quand je m'étais posé la question d'aller dénoncer pour qu'il y ait un changement de direction, tu vois, pour que les choses changent, on m'avait dit non, tu peux pas faire ça parce qu'elle était en procédure judiciaire. Donc ça annule le procès. Ça annule le procès. Et c'est terrible. Parce que du coup, quelque part, elle se couvre de ça. Tu vois, c'est comme si elle avait même trouvé un moyen, puisqu'elle a dépensé. Je sais pas, enfin, l'association est fermée à cause de ça. C'est avec tous les procès qu'elle a intentés contre les éducateurs. Parce qu'en plus, elle les accusait de fautes professionnelles, tout ça. Et je pense que le souci, c'est que tu dis, sur une équipe de 8 éducateurs avec des jeunes, on n'a pas réussi à monter réellement un collectif. Un gang. C'est pas un gang, c'est un collectif, tu vois. Mais même de tous les éducateurs qui ont travaillé dans cette institution, et je sais qu'il y en a eu 53 licenciés pour faute grave et ou virés ou contrat pas reconduit, mais il y en a qu'un qui a réussi à l'accuser pour harcèlement, un seul. Donc cette femme a un grand pouvoir. Mais non, moi je pense pas qu'elle a du pouvoir. Si les gens lui donnent ce pouvoir, elle aura du pouvoir. C'est tout con. Enfin voilà, moi je crois pas non plus que parce que tu cites quelqu'un, je veux dire, c'est ton expérience, c'est ton vécu dans une institution donnée avec des gens. Si tu cites telle personne pour dire que cette personne, je vois pas en quoi ça fait quoi que ce soit. Je veux dire, c'est ton expérience, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, même d'en reparler, parce que ça fait un an, moi, que j'y travaille plus, ça me remet ça m'a vraiment atteint, quoi. Ou d'entendre des choses où elle disait qu'on devrait peser les Africaines avant, tu vois, qu'elles n'arrivent, pour savoir quel âge elles ont exactement et pouvoir leur donner leur vrai âge, puisqu'il y a toujours des changements d'âge avec les mamans, tu vois, pour qu'elles puissent venir en Belgique. Des choses très facho, très fascisantes, quoi, très, très effrayantes, quoi. Moi, je pensais pas que... J'idéalisais, tu vois. J'ai adoré travailler avec des jeunes et je me disais, super, enfin... Et je trouvais que c'était même un rôle pas privilégié, mais quand même, si t'es dans une institution, un centre d'hébergement, t'es dans un quotidien, tu peux vraiment faire un travail extraordinaire. Et j'étais là pour apprendre, en plus, enfin, tu vois, pour apprendre, comprendre. Et je n'ai que vu du non-soin. Donc, moi, j'ai même mal travaillé, j'ai envie de te dire. Tu vois, j'ai plus été une humaine qui essaye de rafistoler des jeunes, de leur dire non, c'est pas ça. Effectivement, on n'a pas le droit de te traiter comme ça. Et travailler un tout petit peu avec elles. Mais dans des institutions comme ça, quand il y a de la maltraitance ou un dysfonctionnement, et il y en a d'autres où il ne doit pas y avoir obligatoirement de la maltraitance due à une direction, mais avec une équipe ou je ne sais quoi. Du coup, tu vois, j'ai entrevu l'horreur du système. Et tu ne travailles pas bien. Donc, ça veut dire que ces jeunes-là, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Parce que 3 ans dans une institution comme ça, si l'institution ne tient pas la route, c'est 3 années de perdu pour ces jeunes. Et ça veut dire que ça a encore déconstruit un truc et que tu as peut-être des jeunes qui auraient pu reprendre des études ou autre chose, tu vois, construire quelque chose, avoir confiance en l'adulte, je sais pas moi, tu vois, essayer de travailler avec cette jeune-là en particulier et moi je trouve que ça n'a pas été fait, donc c'est effrayant aussi, quoi, de te dire j'ai pas eu la chance de travailler dans une institution qui fonctionnait, et ça me fait même peur de me dire, tu vois, depuis j'ai repostulé, où j'ai entendu d'autres institutions où c'est pas les mêmes soucis, mais tu vois, je me dis, mais est-ce que c'est le monde qui va mal ou toutes les institutions sont malades, quoi, enfin, et ça n'a rien à voir, mais tu vois, le mouvement anti-psychiatrie, c'était l'institution va pas, donc on va soigner l'institution, soignons l'institution de l'aide à la jeunesse, soignons l'institution des fonctionnaires, je sais pas, soignons l'institution des inspecteurs qui disent, oh, vous n'êtes pas la première, j'en ai déjà vu beaucoup, qui va sur l'ordinateur en 2 secondes et qui a tout le dossier, tu vois, c'est du faux ou quoi, là ? Je comprends plus où je suis, là. Et tu ressors juste et dis, peut-être, on peut faire ça, mais vous savez... Et lui-même n'y croit même plus à son travail de dénoncer. C'est le droit au travail, hein, tu vois. Enfin, donc, c'est aussi ces personnes-là qui font que... C'est tout un rouage. Il n'y a même plus d'humain derrière, tu vois, j'ai envie de te dire. C'est pour ça que c'est... Moi, c'est ça qui m'a le plus effrayée. Les lettres n'ont pas été envoyées, ça n'a pas été dénoncé. Qui était où ? Il n'y a plus d'humain, là. Oui, on est dans un manque d'humanité. On n'y croit même plus, tu vois. Tellement les gens ont peur. C'est vrai, quoi. C'est effrayant. C'est triste, je trouve. C'est triste. Parce qu'en plus, tu as envie de te battre pour dire que ce n'est pas normal et que ça ne doit pas exister. Bon, moi, je n'ai pas été jusqu'au bout, tu vois. Je n'ai pas été voir Bernard de Hoste en mon nom. Parce que je suis passée à autre chose et que j'ai recherché du travail, qu'à un moment donné, ça m'a tellement abîmée que je me suis dit, tu me mets de côté, enfin, tu vas pas te rendre malade. Et à la fois, j'ai un peu honte quand même, quoi. Bon, je dis pas ton prénom parce qu'on peut pas le dire. C'est horrible. Le petit dernier mot de la fin, le mot de la fin. Là, on en a entendu des beaux... Des beaux mots, quoi, hein, de fin, mais je te laisse une ouverture pour parler de ça, mais aussi d'autres choses, comme ça, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui vont t'entendre sur ce sujet-là, mais aussi, je profite, j'insiste, sur d'autres sujets, un truc, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour finir avec tout ça ? Là me vient, j'ai revu une éducatrice il n'y a pas longtemps qui me racontait que... Il y a une jeune qui était accueillie dans ce centre-là avant qu'il ne ferme. Et c'était une jeune qu'on voulait, qui étudiait, enfin, qui avait un petit peu un profil différent, qui était un truc un peu plus construit. Et elle disait que ce qui lui faisait le plus mal dans cette histoire, c'est que cette femme ait pu la changer. Que la méchante femme ait pu la changer. Qu'elle avait eu le pouvoir de la rendre différente. Et que cette jeune s'en était rendue compte. Qu'elle n'était pas agressive, qu'elle n'était pas méchante. Et qu'elle s'était mise à avoir des pensées méchantes et agressives. Et cette jeune disait, voilà, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'elle a réussi à me changer, moi. Et voilà, enfin, tu vois, ça pose... Qu'est-ce que ça a fait en ces jeunes, tu vois? Qu'est-ce qu'un autre peut venir t'abîmer, le pouvoir de quelqu'un sur un autre, le pouvoir d'une direction sur ses employés, le pouvoir d'une direction sur des, j'ai envie de dire, pauvres jeunes. Moi, j'ai vu des pauvres jeunes, alors que je pense que ces jeunes, elles étaient hyper courageuses. Et moi, elles m'ont absolument impressionnée, enfin, tu vois, sur l'énergie de vie qu'elles avaient, vu leurs histoires, le combat dans lequel elles étaient. Et comme tu disais tout à l'heure, ce qui est effrayant, c'est qu'elles viennent de ça. Pas la même maltraitance, là, on est dans une autre maltraitance, mais elles viennent de choses trash. Elles ont des vies peu communes, quand même. C'est des petites héroïnes, je trouve, moi. Il y a un truc, quand même. Et elles se retrouvent dans des institutions, elles sont blasées, quoi. Mais quand même pas. Elles arrivaient quand même à... Il y en a une jeune où elle était Martin Luther King, tu vois. Donc, elle avait envie de retourner voir Martin Luther King. Et j'ai envie de dire que même cette femme, la rencontre de cette femme, comme à un moment donné, elle a vu qu'il y avait quand même d'autres adultes qui disaient « Ce n'est pas normal, on n'a pas le droit de faire ça. » Ok, alors, Martin Luther King, elle a été revoir tous les grands Américains qui se sont mis en révolte pour les Africains, tu vois. Donc, elle était métisse africaine. Donc, il y avait un grain de révolte et elle est devenue déléguée. Et je pense que c'est lié aussi à ça, tu vois. Voilà, je vais essayer de me positionner. Non, on n'a pas le droit. Tiens, j'ai envie de dire que ce n'est pas normal. Donc, après, ce qui est terrible, c'est qu'elle venait de dire ça. Comme, je vais lui dire ça, je lui ai dit ça. Tu vois, mais c'était un jeu terrible parce que ce n'était pas elle de combattre ça. Tu vois, elle avait à combattre autre chose, quoi. Mais bon, voilà, c'est de voir, rien que c'est ce que je te dis, cette jeune qui dit ça. Donc, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de quelqu'un? Enfin, tu vois, une institution, c'est fermé, hein. Bon, bah merci, madame. Oui, merci à toi. Non, mais c'est vrai qu'une institution, elle est fermée quand même, à la base, quoi. C'est en huis clos, hein, donc il peut se passer toutes les choses. Comme tu dis, un jeune a tué un adulte, ouais, bah maintenant, je comprends, moi, tu vois, je me dis, je comprendrais beaucoup mieux qu'une jeune ait tué, oui. Ou même, tu vois, quand j'avais été voir le psy, il me disait, mais elle buvait, cette femme. Tu vois, donc, des fois, elle arrivait, elle était saoule, et les jeunes disaient, elle a bu. Et il m'avait dit, mais alors, OK, on ne trouve pas de moyen pour la dénoncer, il n'y a rien qui marche. Même lui, en tant que psychologue du travail, il disait, eh ben, vous savez ce que vous faites, la prochaine fois qu'elle est saoule, vous dites aux jeunes d'appeler, vous ne pouvez pas le faire en votre nom, il faut qu'une jeune appelle la police. Donc, on allait même trouver des moyens farfelus, tu vois, enfin, et c'est plus ça, enfin, moi ça me pose toujours question aujourd'hui, et ça me posera encore question ailleurs, je pensais pas que ce lieu-là, tu vois, c'est comment à un moment donné on est dans des, comment dire, tu vois, des situations qui ne vont pas, et on sait même pas s'extirper, et la loi n'est plus là, la loi est pas là en fin de compte, c'est effrayant, elle est où la loi, c'est quoi la loi, enfin... Je sais pas comment dire. On sait qu'il y a la loi, qu'il y a les avocats, t'as de l'argent, tu te payes, mais c'est tellement lent, c'est tellement long, c'est tellement difficile à montrer, c'est que voilà, enfin, tu vois. Ou même là, je parle et j'ai l'impression que je parle parce qu'elle m'a fait mal, alors que c'est pas ça. Donc tu vois, c'est comme si on devait pas, on devient tous parano. Je sais pas, il y a un truc bizarre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des mauvais systèmes, des systèmes mal branlés. Et on dit, c'est ça le système. C'est une institution. Ah, d'accord, tu vois. Mais en fin de compte, c'est qu'un humain qui dirige cette institution. Donc ce n'est qu'un humain qui peut être pas bien. Mais comme il a ce rôle-là et ce pouvoir-là, tu dois obéir. Mais si lui, il est fou, tu vois, je veux dire, tu continues d'obéir ou c'est toi qui deviens fou parce que tu continues d'obéir. Donc, on est chez Kafka, enfin, tu vois, c'est vraiment le château. Comment on fait pour défaire ça? Moi, je trouve ça effrayant même par rapport à la suite, tu vois, ma recherche d'emploi, le travail, une autre institution, pareil, un entretien où je me rends compte que l'institution va hyper mal et je me disais, mais waouh, mais moi, je veux travailler dans un lieu sain, un autre interview où je vois une équipe, des gens assez cohérents et je vois la direction en chef administrative et là, je me dis, ce mec est fou, il dit pas du tout ce que dit son équipe, à nouveau dans du porte-à-faux total. Enfin, tu vois, je sais pas, la cohérence, quoi. Cohérence d'humains qui travaillent ensemble. J'ai des doutes que ça existe encore. On s'en rire, gratte-t-il. Il faut créer son travail. Mais ouais, ça donne envie vraiment de. Et tu vois, je vois mon ami qui, tu vois, artiste, tout ça. Et moi, j'ai des enfants, donc j'ai l'impression que je vais devoir passer par peut-être faire des boulots ou. Mais c'est vrai que comme j'étais artiste avant et que je montais mon travail, c'était peut-être la première fois que je subissais autant un boss. Tu vois ? Donc je me dis, oh là là, t'es vraiment une espèce de capricieuse parce que t'as voulu faire ton artiste toute ta vie et que tu supportes pas la réalité. Et la réalité, Chris, en fin de compte, t'as pas voulu l'avoir. Mais c'est ça. Le boss, c'est un salaud. Et c'est comme ça. Tu vois, ça me pose question. Est-ce que toutes les institutions, tu te feras maltraiter par le boss parce qu'il a du pouvoir sur toi, donc il pourra... Ça pose question. Ou alors tu te rebelles et tu essaies de vivre différemment et t'en payes le prix. Et c'est comme ça qu'il faut faire, pour qu'on avance, quoi. Mais des histoires qui sont belles et qui finissent belles aussi, ou qui commencent... Enfin, voilà, c'est pas... Moi, je crois qu'il ne faut pas que noircir un tableau. Je suis d'accord de dire qu'on est dans un système chaotique, horrible, dramatique, noir, tout ce que tu veux, mais... Gardons en tête qu'il y a moyen de faire autre chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est mécontent de ce qui se passe dans le négatif. C'est parce qu'on sait bien qu'il y a autre chose. Voilà. Ah oui, complètement. C'est ce que je te dis, mais il y avait tellement un travail à faire. Et des jeunes, qui demandent que ça, qui s'ouvrent assez rapidement, tu vois, qui se déposent assez rapidement. C'est quand je te dis que c'est un privilège d'être si proche de jeunes, finalement, qui se laissent approcher rapidement. Tu te rends compte, le privilège, ça veut dire que tu peux bien travailler avec eux. Et il n'y avait quand même pas beaucoup de très, très, très compliqué. Enfin, fermé, tout ça. Et, donc, il y avait vraiment... Ici, la confiance était là, il y avait vraiment... je sais pas comment le nommer, mais... Un vrai travail à faire avec elle, quoi. Et te dire, voilà, elle est restée là dans cette institution tant de temps. Et tu peux te dire que cette jeune se dira, ça m'a apporté. Alors que là, c'est pas le cas. Tu sais quand t'apportes quelque chose, quand même. Enfin, tu vois, quand tu... Voilà.